Numéro 22. Le train à grande vitesse. Shinkansen. Les couchettes. Shindai. La première classe. Ittōsha. La deuxième classe. Nitōsha. Pouvez-vous appeler un taxi, s'il vous plaît? Taxi wo yonde kudasai. Le taxi. Taxi. La station de taxi. Taxi noriba.